que l'on soit borgne ou fêlé, il reste un œil pour raconter. Que l'on soit sourd ou muet, il reste un bras pour caresser. On ne peut pas skier sur l'île de Sein, mais que c'est beau une île au petit matin. On ne peut pas plancher sur le Mont Blanc, mais que c'est beau la montagne au grand couchant. Je t'aime à contre-tour. Je t'aime à point, c'est tout. Accroche ton histoire à ta mémoire et nous vaincrons la peur du soir. Même si sur mer, bateau de guerre, elle revient l'été pour jouer. Même si l'adultère est de mise, il reviendra laver sa chemise. Même si la rose a des épines, pour le jardinier, elle se fait câline. Même si les putes se marient en blanc, elles nous font de beaux enfants. Je t'aime à contre-tour. Je t'aime à point, c'est tout. Accroche ton histoire à ta mémoire et nous vaincrons la peur du soir. Même si des curés font l'amour, la croix garde ses contours. Il faut traverser dans les clos, au carrefour des démons jaloux. Même si l'ado vient se shooter, c'est d'amour qu'il vient gueuler. Bien plus que de la peine de mort, c'est de la peine de vie qu'il faut discuter. D'abord, je t'aime à contre-tour. Je t'aime à point, c'est tout. Accroche ton histoire à ta mémoire et nous vaincrons la peur du soir.